Wesh nous baraque, dis-moi comment va le 9-4. Coco, tu cherches quoi, ça va être MARS. T'inquiète, yeah. Toute France, toutes les banlieues représentent. Suite Jar Moubarak, coûte ça. Allez, ici Moubarak, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Et si les femmes nous tentent, démons de l'époque. Allez, ici Moubarak, ici la Fija. Tu veux savoir, j'ai le sourire des Jamel, la finesse de Zizou, la folie de Patson, la dégaine de chez nous, la galère au placard, le pensée au dollar, enfant de quartier qui rêve de soulever un César. C'est la merde, la crise dans nos cages, mais la fille, je la prends, je la braque en otage. Tout le monde les prend en l'air, soin son PKS. M'en baisse pas les bras, même si l'état te délaisse. L'espoir de vivre ici, elle se traduit dans nos vies. On en oublie le prix, perd le sens du paradis. Garde le bras levé bien haut, garde la foi en toi, amigo. Ici Moubarak, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Et si les frères nous tentent, des mots de l'époque. Ici Moubarak, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Tu tiens, je tiens, t'en aimes, vas-y, mon. Je connais cette balance speed qui sort du usine. On sent toute cette rage que je donne dans la musique. Reprendre tous les rêves en secret qui nous ont pris. Les frères dans les sombris, la douleur qu'on enquille. Algérien, Comorien, venu représenter. Enfant de rue, enfant des blocs, enfant de quartier. On s'est mis arabe, évité, obligé. En bas chez moi, ça sent le couscous, le maïs, la paille, la chicha au bras. Les petits rêves d'être des Maradona. Quand y'a Haja Manama, fais croquer en bas. Si t'as du sang au choix, Moubarak la Fija. Ici Moubarak, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Et si les frères nous tentent, démons de l'époque. Ici Moubarak, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Si t'es un chien, t'emmène, va, vas-y, mon. Lève les bras, mon frère, lève les bras, ma soeur, baisse pas les bras. Baisse pas le bras, chante avec moi. Aé, lève les bras mon frère. Aé, lève les bras ma soeur. Aé, baisse pas les bras. Baisse pas le bras, chante avec moi. Aé, ici Moubarak. Aé, ici la Fija. Malgré la guerre on croit quand on le sourire aux notes. Et si les frères nous tentent, démons de l'époque. Aé, ici Moubarak. Aé, ici la Fija. Malgré la guerre on croit. Si t'es un chien, t'emmène, va, vas-y, mon. Aé, ici Moubarak, aé, ici la Fija. Malgré la guerre, on croit quand on le sourire aux notes. Et si les frères nous tentent, démons de l'époque. Aé, ici Moubarak, aé, ici la Fija. La Fija, quand on le sourire aux notes. Si t'es un chien, t'emmène, va, vas-y, mon. Va, vas-y, mon, va, vas-y, mon. Moubarak, la Fija, 9-4, Marseille. Yeah. Comme on dit chez vous, on a fait ça à la bien. T'inquiète, c'est mon barata. Autant le matin qu'on tire, on a tout pété. Pété, déterminable dans l'album.